Oui, mais c'est quoi la date butoir? Ah oui, c'est le dernier jour pour rendre le dossier. Il ne faut pas dépasser cette date. C'est le dernier délai. Ah d'accord. Et c'est quand la date butoir? Je sais pas encore. Ce sera au mois de juin. Je vous dirai. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame, et bon courage.